Pour éviter de glisser sur la neige, j'anticipe pour ne pas avoir à freiner fortement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'évite d'accélérer brusquement. Oui, réponse C. Non, réponse D.